Chapitre 15, la confusion autour des hommes de Dieu. Il y a, dans cette polémique et dans beaucoup d'autres, qui traversent les milieux évangéliques africains et au-delà, une confusion profonde autour de ce qu'on appelle communément un homme de Dieu. Ce terme est utilisé comme un titre, une catégorie réservée, une distinction entre ceux qui servent Dieu vraiment et ceux qui servent Dieu à côté. Il est temps de l'examiner sérieusement. L'expression « homme de Dieu » dans la Bible. Dans la Bible hébraïque, l'expression « Ish Ha Elohim » l'homme de Dieu est utilisé pour désigner des prophètes qui reçoivent et transmettent une parole divine dans des circonstances précises. Moïse en est qualifié. Élie, Élisée, Samuel. Ce n'est pas un titre institutionnel permanent. C'est une description fonctionnelle liée à un acte de transmission d'une parole divine vérifiable. Dans le Nouveau Testament, Paul utilise l'expression en 1 Timothée 6:11 pour désigner Timothée dans sa mission spécifique. Le terme n'est pas une catégorie de supériorité spirituelle. C'est une description de vocation et de responsabilité dans un contexte donné. Ce que le terme ne désigne jamais dans les textes originaux, c'est une classe de personnes exemptées des lois ordinaires de l'échange équitable, autorisées à recevoir sans obligation de rendre, ou investies d'une autorité divine qui les placerait au-dessus du questionnement légitime. Qui sert vraiment Dieu? Les textes sont clairs sur ce point et ils méritent d'être rassemblés ici en un seul regard. Le serviteur de Dieu au sens biblique profond du terme, c'est celui qui accomplit son abad avec intégrité dans le domaine qui lui a été confié. Ce peut être un musicien, ce peut être un médecin, un enseignant, un commerçant, un parent, un artisan. La définition n'est pas cléricale, elle est existentielle. Le serviteur de Dieu est celui qui exerce la justice dans ses échanges. Michée 6:8, ce que l'Éternel exige de toi, c'est de pratiquer la justice, d'aimer la bonté et de marcher humblement avec ton Dieu. Ce ne sont pas des critères réservés aux pasteurs ou aux prédicateurs. Ce sont des critères applicables à tout être humain dans tout contexte. Le serviteur de Dieu est aussi celui qui exerce son esprit critique avec honnêteté, qui ne s'enferme pas dans la docilité aveugle, qui évalue les enseignements à la lumière des textes originaux plutôt que des traditions accumulées. Et le serviteur de Dieu est celui qui reconnaît le kabod de l'autre, sa dignité, son poids, sa valeur. Celui qui refuse de dépouiller un travailleur de sa peula sous prétexte spirituel. Celui qui, quand il reçoit le travail d'un autre, en assume le poids matériel avec équité. Leçon 15. Le serviteur de Dieu. Au sens biblique, n'est pas un titre institutionnel. C'est une posture de vie, accomplir son abad avec intégrité dans le domaine confié, pratiquer la justice dans ses échanges, exercer son esprit critique et reconnaître le kabod de chaque être humain. Ces critères s'appliquent à tout le monde, pas à une classe cléricale exemptée des lois ordinaires de l'équité.